Unité 2, phonétique, exercice A. Petit, petite. Joli, joli. Spacieux, spacieuse. Ensoleillé, ensoleillé. Agréable, agréable. Sympathique, sympathique. Spécial, spécial. Les, laide. Optionnel, optionnel. Décoratif, décorative. Bon, bonne.